Le comte et la comtesse de Savigny, qui passaient pour s'adorer, vivaient, il est vrai, assez retirés de toute espèce de monde. Mais enfin, une visite pouvait de temps en temps tomber au château. Il est vrai encore que si c'était une visite d'homme, Hauteclerc pouvait ne pas paraître. Et si c'était une visite de femme, ces femmes de V pour la plupart ne l'avaient jamais assez bien vue pour la reconnaître, cette fille bloquée pendant des années par ses leçons au fond d'une salle d'armes et qui, aperçue de loin à cheval ou à l'église, portait des voiles qu'elle épaississait à dessein, car Hauteclerc, je vous l'ai dit, avait toujours eu cette fierté des êtres très fiers que trop de curiosité offense, et qui se cache d'autant plus qu'ils se sentent la cible de plus de regards. Quant aux gens de Monsieur de Savigny, avec lesquels elle était bien obligée de vivre, s'ils étaient de V, ils ne la connaissaient pas, et peut-être n'en étaient-ils point. Et c'est ainsi que je répondais tout en trottant à ces premières questions qui, au bout d'un certain temps et d'un certain chemin, rencontraient leurs réponses et qu'avant d'être descendu de la selle, j'avais déjà construit tout un édifice de suppositions plus ou moins plausibles pour expliquer ce qui, à un autre qu'un raisonneur comme moi, aurait été inexplicable. La seule chose peut-être que je n'expliquais pas si bien, c'est que l'éclatante beauté de Hauteclerc n'eût pas été un obstacle à son entrée dans le service de la comtesse de Savigny, qui aimait son mari et qui devait en être jalouse. Mais, outre que les patriciennes de V, aussi fières pour le moins que les femmes des paladins de Charlemagne, ne supposaient pas, grave erreur, mais elles n'avaient pas lu le mariage de Figaro, que la plus belle fille de chambre fût plus pour leur mari que le plus beau laquais n'était pour elle, je finis par me dire, en quittant l'étrier, que la comtesse de Savigny avait ses raisons pour se croire aimée, et qu'après tout ce sacripant de Savigny était bien de taille, si le doute la prenait, à ajouter à ces raisons-là. « fis-je sceptiquement au docteur, que je ne pus m'empêcher d'interrompre. « Tout cela est bel et bon, mon cher docteur, mais n'ôtez pas à la situation son imprudence. »« Certes non, répondit-il, mais si c'était l'imprudence même qui fit la situation, » ajouta ce grand connaisseur en nature humaine. « Il est des passions que l'imprudence allume et qui, sans le danger qu'elle provoque, n'existeraient pas. » Au XVIe siècle, qui fut un siècle aussi passionné que peut l'être une époque, la plus magnifique cause d'amour fut le danger même de l'amour. En sortant des bras d'une maîtresse, on risquait d'être poignardé, ou le mari vous empoisonnait dans le manchon de sa femme, baisé par vous et sur lequel vous aviez fait toutes les bêtises d'usage. Eh bien, loin d'épouvanter l'amour, ce danger incessant l'agaçait, l'allumait et le rendait irrésistible. Dans nos plates mœurs modernes, où la loi a remplacé la passion, il est évident que l'article du code qui s'applique au mari coupable d'avoir, comme elle dit grossièrement la loi, introduit la concubine dans le domicile conjugal, est un danger assez ignoble. Mais pour les âmes nobles, ce danger, de cela seul qu'il est ignoble, est d'autant plus grand. Et Savigny, en s'y exposant, y trouvait peut-être la seule anxieuse volupté qui enivre vraiment les âmes fortes. Le lendemain, vous pouvez le croire, continua le docteur Torti, j'étais au château de bonne heure, mais ni ce jour ni les suivants, je n'y vis rien qui ne fût le train de toutes les maisons où tout est normal et régulier. Ni du côté de la malade, ni du côté du comte, ni même du côté de la fausse Lalie, qui faisait naturellement son service, comme si elle avait été exclusivement élevée pour cela, je ne remarquai quoi que ce soit qui pût me renseigner sur le secret que j'avais surpris. Ce qu'il y avait de certain, c'est que le comte de Savigny et Hauteclerc Stassin jouait la plus effroyablement impudente des comédies avec la simplicité d'acteur consommé et qu'il s'entendait pour la jouer. Mais ce qui n'était pas si certain Et ce que je voulais savoir d'abord, c'est si la comtesse était réellement leur dupe, et si, au cas où elle l'était, il serait possible qu'elle le fût longtemps. C'est donc sur la comtesse que je concentrais mon attention. J'eus d'autant moins de peine à la pénétrer qu'elle était ma malade, et par le fait de sa maladie, le point de mire de mes observations. C'était, comme je vous l'ai dit, une vraie femme de V qui ne savait rien de rien que ceci, c'est qu'elle était noble, et qu'en dehors de la noblesse, le monde n'était pas digne d'un regard. Le sentiment de leur noblesse est la seule passion des femmes de V dans la haute classe, dans toutes les classes fort peu passionnées. Mademoiselle Delphine de Cantor, élevée aux bénédictines, où, sans nulle vocation religieuse, elle s'était horriblement ennuyée, en était sortie pour s'ennuyer dans sa famille, jusqu'au moment où elle épousa le comte de Savigny, qu'elle aima ou crut aimer, avec la facilité des jeunes filles ennuyées à aimer le premier venu qu'on leur présente. C'était une femme blanche, molle de tissu, mais dure d'os, au teint de lait dans lequel eût surnagé du sang, car les petites taches de rousseur dont il était semé étaient certainement plus foncées que ses cheveux d'un roux très doux. Quand elle me tendit son bras pâle, veiné comme une nacre bleuâtre, un poignet fin et de race, où le pouls à l'état normal battait languissamment, elle me fit l'effet d'être mise au monde et créée pour être victime, pour être broyée sous les pieds de cette fière haute claire qui s'était courbée devant elle jusqu'au rôle de servante. Seulement, cette idée, qui naissait d'abord en la regardant, était contrariée par un menton qui se relevait à l'extrémité de ce mince visage, un menton de Fulvie sur les médailles romaines, égaré au bas de ce minois chiffonné, et aussi par un front obstinément bombé sous ses cheveux sans rutilance. Tout cela finissait par embarrasser le jugement. Pour les pieds de haute claire, c'est peut-être de là que viendrait l'obstacle, étant impossible qu'une situation comme celle que j'entrevoyais dans cette maison, de présent tranquille, n'aboutît pas à quelque éclat affreux. En vue de cet éclat futur, je me mis donc à ausculter doublement cette petite femme qui ne pouvait pas rester lettre close pour son médecin bien longtemps. Qui confesse le corps tient vite le cœur. S'il y avait des causes morales ou immorales à la souffrance actuelle de la comtesse, elle aurait beau se rouler en boule avec moi et rentrer en elle ses impressions et ses pensées, il faudrait bien qu'elle les allongeât. Voilà ce que je me disais. Mais vous pouvez vous fier à moi, je la tournais et la retournais vainement avec ma serre de médecin. Il me fut évident au bout de quelques jours qu'elle n'avait pas le moindre soupçon de la complicité de son mari et de Hauteclerc dans le crime domestique dont sa maison était le silencieux et discret théâtre. Était-ce de sa part défaut de sagacité? Mutisme de sentiments jaloux? Qu'était-ce? Elle avait une réserve un peu hautaine avec tout le monde, excepté avec son mari. Avec cette fausse Lalie qui la servait, elle était impérieuse mais douce. Cela peut sembler contradictoire, cela ne l'est point, cela n'est que vrai. Elle avait le commandement bref, mais qui n'élève jamais la voix, d'une femme faite pour être obéie et qui est sûre de l'être. Elle l'était admirablement. Eulalie, cette effrayante Eulalie, insinuée, glissée chez elle, je ne savais comment, l'enveloppait de ces soins qui s'arrêtent juste à temps avant d'être une fatigue pour qui les reçoit, et montrait dans les détails de son service une souplesse et une entente du caractère de sa maîtresse qui tenaient autant du génie de la volonté que du génie de l'intelligence. Je finis même par parler à la comtesse de cette Eulalie que je voyais si naturellement circuler autour d'elle pendant mes visites et qui me donnait le froid dans le dos Que donnerait un serpent qu'on verrait se dérouler et s'étendre sans faire le moindre bruit en s'approchant du lit d'une femme endormie? Un soir, que la comtesse lui demanda d'aller chercher je ne sais plus quoi, je pris occasion de sa sortie et de la rapidité à pas léger avec laquelle elle l'exécuta pour risquer un mot qui fit peut-être jour. Quel pas de velours, dis-je en la regardant sortir. Vous avez là, madame la comtesse, une femme de chambre d'un bien agréable service, à ce que je crois. Me permettez-vous de vous demander où vous l'avez prise? Est-ce qu'elle est de V, par hasard, cette fille-là? Oui, elle me sert fort bien, répondit indifféremment la comtesse, qui se regardait alors dans un petit miroir à main, encadré dans du velours vert et entouré de plumes de paon, avec cet air impertinent qu'on a toujours quand on s'occupe de toute autre chose que de ce qu'on vous dit. J'en suis, on ne peut plus contente. Elle n'est pas de V, mais vous dire d'où elle est, je n'en sais plus rien. Demandez à monsieur de Savigny, si vous tenez à le savoir, docteur, car c'est lui qui me l'a amenée quelque temps après notre mariage. Elle avait servi, me dit-il en me la présentant, chez une vieille cousine à lui qui venait de mourir, et elle était restée sans place. Je l'ai prise de confiance et j'ai bien fait. C'est une perfection de femme de chambre. Je ne crois pas qu'elle ait un défaut. Moi, je lui en connais un, madame la comtesse, dis-je en affectant la gravité. Ah, et lequel? Fit-elle languissamment avec le désintérêt de ce qu'elle disait, et en regardant toujours dans sa petite glace, où elle étudiait attentivement ses lèvres pâles. Elle est trop belle, dis-je. Elle est réellement trop belle pour une femme de chambre. Un de ces jours, on vous l'enlèvera. Vous croyez? Fit-elle toujours se regardant et toujours distraite de ce que je disais. Et ce sera peut-être un homme comme il faut et de votre monde qui s'en amourachera, madame la comtesse. Elle est assez belle pour tourner la tête à un duc. Je prenais la mesure de mes paroles tout en les prononçant. C'était là un coup de sonde, mais si je ne rencontrais rien, je ne pouvais pas en donner un de plus. « Il n'y a pas de duc à V, répondit la comtesse, dont le front resta aussi poli que la glace qu'elle tenait à la main. « Et d'ailleurs, toutes ces filles-là, docteur, ajouta-t-elle en lissant un de ses sourcils, quand elles veulent partir, ce n'est pas l'affection que vous avez pour elles qui les en empêche. » Eulalie a le service charmant, mais elle abuserait comme les autres de l'affection que l'on aurait pour elle, et je me garde bien de m'y attacher. Et il ne fut plus question d'Eulalie ce jour-là. La comtesse était absolument abusée. Qui ne l'aurait été, du reste? Moi-même, qui de prime abord l'avais reconnue, cette haute claire, vue tant de fois à une simple longueur d'épée dans la salle d'armes de son père, il y avait des moments où j'étais tentée de croire à Eulalie. Savigny avait beaucoup moins qu'elle, lui qui aurait dû la voir davantage, la liberté, l'aisance, le naturel dans le mensonge. Mais elle, ah, elle s'y mouvait, et elle y vivait comme le plus flexible des poissons vite et se meurt dans l'eau. Il fallait certes qu'elle l'aimât, et l'aimât étrangement pour faire ce qu'elle faisait, pour avoir tout planté là d'une existence exceptionnelle, qui pouvait flatter sa vanité en fixant sur elle les regards d'une petite ville, pour elle l'univers, où plus tard elle pouvait trouver parmi les jeunes gens, ses admirateurs et ses adorateurs, quelqu'un qui l'épouserait par amour et la ferait entrer dans cette société plus élevée dont elle ne connaissait que les hommes. Lui, l'aimant, jouait certainement moins gros jeu qu'elle. Il avait en dévouement la position inférieure. Sa fierté d'homme devait souffrir de ne pouvoir épargner à sa maîtresse l'indignité d'une situation humiliante. Il y avait même dans tout cela une inconséquence avec le caractère impétueux qu'on attribuait à Savigny. S'il aimait Hauteclerc au point de lui sacrifier sa jeune femme, il aurait pu l'enlever et aller vivre avec elle en Italie. Cela se faisait déjà très bien en ce temps-là, sans passer par les abominations d'un concubinage honteux et caché. Était-ce donc lui qui aimait le moins? Se laissait-il plutôt aimer par Hauteclerc, plus aimé par elle qu'il ne l'aimait? était celle qui, d'elle-même, était venue le forcer jusque dans les gardes du domicile conjugal, et lui, trouvant la chose audacieuse et piquante, laissait-il faire cette putiffarde d'une espèce nouvelle qui, à toute heure, lui avivait la tentation? Ce que je voyais ne me renseignait pas beaucoup sur Savigny et Hauteclerc. Complices, ils l'étaient bien, parbleu, dans un adultère quelconque. Mais les sentiments qu'il y avait au fond de cet adultère, quels étaient-ils? Quelle était la situation respective de ces deux êtres l'un vis-à-vis de l'autre? Cette inconnue de mon algèbre, je tenais à la dégager. Savigny était irréprochable pour sa femme. Mais lorsque Hauteclerc Eulalie était là, il avait, pour moi qui l'ajustais du coin de l'œil, des précautions qui attestaient un esprit bien peu tranquille. Quand, dans le tous les jours de la vie, il demandait un livre, un journal, un objet quelconque à la femme de chambre de sa femme, il avait des manières de prendre cet objet qui eussent tout révélé à une autre femme que cette petite pensionnaire élevée aux bénédictines et qui l'avait épousée. On voyait que sa main avait peur de rencontrer celle de Hauteclerc, comme si, la touchant par hasard, il lui eût été impossible de ne pas la prendre. Hauteclerc n'avait point de ces embarras, de ces précautions épouvantées. Tentatrice comme elles le sont toutes, qui tenterait Dieu dans son ciel, s'il y en avait un, et le diable dans son enfer, elle semblait vouloir agacer tout ensemble et le désir et le danger. Je la vis une ou deux fois le jour où ma visite tombait pendant le dîner que Savigny faisait pieusement auprès du lit de sa femme. C'était elle qui servait. Les autres domestiques n'entrant point dans l'appartement de la comtesse. Pour mettre les plats sur la table, il fallait se pencher un peu par-dessus l'épaule de Savigny, et je la surpris qui, en les y mettant, frottait des pointes de son corsage la nuque et les oreilles du comte, qui devenait tout pâle, et qui regardait si sa femme ne le regardait pas. Ma foi, j'étais jeune encore dans ce temps, et le tapage des molécules dans l'organisation, qu'on appelle la violence des sensations, me semblait la seule chose qui valût la peine de vivre. Aussi m'imaginais-je qu'il devait y avoir de fameuses jouissances dans ce concubinage caché avec une fausse servante, sous les yeux affrontés d'une femme qui pouvait tout deviner. Oui, le concubinage dans la maison conjugale, comme dit ce vieux prud'homme de Code, c'est à ce moment-là que je le compris. Mais, excepté les pâleurs et les transes réprimées de Savigny, je ne voyais rien du roman qu'ils faisaient entre eux, en attendant le drame et la catastrophe, selon moi, inévitable. Où en étaient-ils tous les deux? C'était là le secret de leur roman que je voulais arracher. Cela me prenait la pensée comme la griffe de sphinx d'un problème, et cela devint si fort que, de l'observation, je tombais dans l'espionnage, qui n'est que de l'observation à tout prix. Un goût vif bientôt nous déprave. Pour savoir ce que j'ignorais, je me permis bien de petites bassesses très indignes de moi, et que je jugeais telles, et que je me permis néanmoins. Ah, l'habitude de la sonde, mon cher, je la jetais partout. Lorsque, dans mes visites au château, je mettais mon cheval à l'écurie, je faisais jaser les domestiques sur les maîtres, sans avoir l'air d'y toucher. Je mouchardais, oh, je ne m'épargne pas le mot, pour le compte de ma propre curiosité. Mais les domestiques étaient tout aussi trompés que la comtesse. Ils prenaient Hauteclerc de très bonne foi pour une des leurs, et j'en aurais été pour mes frais de curiosité sans un hasard qui, comme toujours, en fit plus en une fois que toutes mes combinaisons et m'en apprit plus que tous mes espionnages. Il y avait plus de 2 mois que j'allais voir la comtesse, dont la santé ne s'améliorait pas et présentait de plus en plus les symptômes de cette débilitation si commune maintenant et que les médecins de ce temps énervé ont appelé du nom d'anémie. Savigny et Hauteclerc continuaient de jouer avec la même perfection,